Donc on va passer là. Oui, on est là. C'est l'heure. C'est parti. Donc on passe à l'exposé de... Merci Patricia, hein, c'était riche, passionnant. On passe à l'exposé de Christian Laval, Université comme commun, qui permettra de peut-être retrouver l'espoir. Non, pas du tout. Non. Je ne suis pas un dispensateur d'espoir, pas du tout. J'espérais de l'illusion et de la déception. Enfin. Non, ça va être... Non, mais j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, parce que je ne pensais pas du tout faire ça, mais je vais un peu vous imiter. Au début, en tout cas, je trouve que votre exposé, ça m'a vraiment fait penser aux trois temps logiques de Lacan. Le temps de voir, le temps de comprendre, et d'une certaine façon, le temps de conclure, qui est en même temps le temps de combattre. Et je trouvais que votre récit était de ce point de vue-là, à la fois personnel, mais indiquait aussi... c'est peut-être la note d'espoir, hein, peut-être un temps qui est venu où un certain nombre de gens qui ont été piégés ne se sont pas rendus compte finalement des processus en cours, à un moment donné se rendent compte de ce dans quoi ils ont été pris. Moi, pour le coup, c'était très différent, puisque donc, dans le sociologue, je m'étais plutôt intéressé à l'histoire de la sociologie, mais j'avais fait des travaux de type philosophique par ailleurs, et je m'étais beaucoup intéressé à Jeremy Bentham, à la philosophie utilitariste, mais aussi aux utilitaristes français. Et ce qui est difficile, je le dis d'emblée comme ça, ce qui est très difficile, c'est de bien percevoir justement les temporalités différentes. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la France a pu être relativement épargnée pour des raisons historiques, politiques, etc., par ce grand courant qui naît au XVIIe, d'ailleurs, et surtout au XVIIIe, qui est le grand courant utilitariste et qui a une conception du savoir qui est très différente de la conception que l'on en a dans un pays républicain comme la France, qui n'est pas du tout une conception, disons, émancipatrice et civique, mais qui est une conception directement, justement, économique du savoir. Mais cela ne date pas du néolibéralisme. C'est quelque chose qui vient de très loin, qui est un phénomène de civilisation. Enfin, là, on peut renvoyer à des écrits comme celui de Max Weber sur l'éthique protestante. Il faut bien se rendre compte que ce que nous avons aujourd'hui, ce qui est en question aujourd'hui, c'est une actualisation, une accélération, une intensification finalement, de courants de pensée, de courants de civilisation. Et la question qui se pose est évidemment terrible, c'est de savoir comment faire face à ce courant de civilisation, alors qu'il est hétérogène. Je ne dis pas que tout le monde anglo-saxon est utilitariste, ça serait tout à fait bête. Il y a au contraire des courants que j'appellerais républicains, qui sont peut-être plus authentiquement républicains que chez nous. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une lutte de culture, et qui est évidemment lié à l'expansion du capitalisme. Je ne dis pas que l'utilitarisme est un simple reflet, je pense plutôt, enfin dans ce que j'ai écrit sur l'homme économique, je pense plutôt que nous avons eu affaire à une mutation anthropologique et culturelle qui a préparé, qui a facilité l'expansion du capitalisme. Donc les choses sont assez compliquées et doivent être bien mesuré, bien évalué, sur quelle temporalité on est. Alors, deuxième remarque que je ferai, je me suis intéressé aux politiques éducatives et pas tellement aux politiques de recherche pendant longtemps. Je me suis intéressé dès les années 80-90 aux politiques éducatives. C'était un de mes terrains, comme on dit, mes objets plus exactement de recherche. Ce que j'ai essayé de faire en liaison avec le syndicalisme, celui de la FSU et un peu de celui de la CGT, c'était justement de réfléchir aux mutations qui apparaissaient dès les années 80-90. J'ai publié toute une série de textes, d'articles, de livres, en particulier Le Nouvel Ordre Éducatif Mondial, qui est un ouvrage collectif que j'ai mené, j'ai dirigé, et qui montrait donc à partir d'un travail qui était fait dans les années 90 comment les grandes institutions internationales économiques et financières avaient pris la main sur le discours légitime sur l'éducation et sur la recherche. Donc tout ça était parfaitement visible. Toute cette littérature grise existait depuis la fin des années 80 et les années 90. La difficulté a été, c'est là où on revient sur le temps de comprendre, la difficulté a été qu'en France, ni les syndicats, ni les collègues, ni les universitaires n'étaient réceptifs à un discours critique. Je dirais, avant Bologne, c'était extrêmement difficile. On peut remercier Allègre, d'une certaine façon, d'avoir été celui qui a pu déclencher, je pense, une première vague de compréhension du fait de sa violence, de son discours agressif et du fait qu'il ne se cachait pas de ce qu'il voulait faire. Je me rappelle de cet article du Monde qui s'appelait « Le grand marché du 21e siècle »,« Grand marché du savoir du 21e siècle ». Je veux dire que c'était la première page du Monde, on ne pouvait pas ignorer à ce moment-là ce qui était en jeu dans Bologne et un peu plus tard, dans la stratégie de Lisbonne. Mais ça a été des moments, je crois, assez importants. Alors, évidemment, le fait que c'était la gauche au pouvoir, Jospin, Allègre, etc., a pu brouiller un peu les cartes, mais je pense que là, il y a eu quand même les premières entames, si je puis dire, qui ont été faites dans cette espèce de consensus mou, etc., qui faisait que les universitaires, les enseignants étaient pro-européens, il faut bien le dire, massivement, toutes les enquêtes montraient qu'ils adhéraient au choix de l'Europe, et que ceci a été aussi un voile supplémentaire pour avant qu'ils ne comprennent les choses. 2005, le grand débat sur le traité constitutionnel était aussi un moment important de cette prise de conscience. Pour ma part, lié à ATTAC et à la FSU, je sais que j'ai passé mon temps pendant des mois à circuler dans France, dans tous les petits patelins de France, appelé par les comités locaux pour parler justement de la question de l'éducation en Europe. Et ça intéressait beaucoup les gens. Il y a eu un phénomène de masse et une réception qui a plus été une réception de la base enseignante que du sommet. Je veux dire du sommet des organisations syndicales. Et pourquoi? Parce que lié à l'appareil d'État, les organisations syndicales sont des organismes étatisés et ont été extrêmement pris justement dans toutes ces logiques. Je ne parle pas du syndicalisme européen qui, lui, a été vraiment un collaborateur, enfin, si je puis dire, direct de la mise en place des politiques éducatives en Europe, mais même les syndicats français et même ceux qui étaient comme la FSU des syndicats de transformation sociale, comme ils se définissent, ont eu beaucoup de mal à comprendre ce qui était en jeu. Donc là, il y a une vraie question. Comment s'opère la méconnaissance des processus de ce genre? Vous-même, c'est intéressant, parce que vous étiez dedans, vous avez bien dit à quel point il était difficile de ne pas se laisser prendre, finalement, à un discours généreux, une ouverture, etc., et à une promesse qu'il faut quand même le rappeler, était une promesse d'expansion de l'université, d'augmentation des crédits de la recherche et de l'enseignement, d'augmentation des taux de scolarisation, etc. Donc, il y avait là des éléments de promesse qui, je crois, ont pu faire que des gens ont adhéré et ont pris conscience trop tard. Et il y a en fait un phénomène aussi qui est lié, je pense, au tropisme français, c'est-à-dire l'idée que tout ça, cet ultralibéralisme, etc., etc., ça nous vient du monde américain, nord-américain et du monde anglais, et que l'hexagone républicain a suffisamment de défense pour résister à cela. Et ça, ça a quand même été quelque chose d'assez puissant, je crois. C'est une agression extérieure. Et tous les phénomènes que vous décrivez et qu'on a pu analyser d'une autre façon sur les transformations internes, les universitaires conquis et convertis, mais pris aussi dans les logiques de financement, les enseignants eux-mêmes aveuglés par ce qui se passe, les directeurs de collèges et les proviseurs de lycées eux-mêmes adhérant finalement à ce discours de performance, d'efficacité, etc., etc. Tout ça a pu jouer dans le même sens. Et ne parlons pas des universitaires et de mes collègues sociologues qui, au vu de mes premiers articles et des bouquins qu'on a écrits, ce sont pour beaucoup, et parmi les plus fameux sociologues de l'éducation, ont expliqué que Laval et consorts, c'était des paranoïaques, c'était des gens, des complotistes, etc. Il y a eu là, si vous voulez, et des grands historiens, et les grands historiens de l'éducation, je ne citerai pas, en public, mon traité de complotiste, parce que, précisément, j'expliquais qu'il y avait un cours nouveau dans le monde de l'éducation. Alors, tout ça s'est cumulé, en quelque sorte. Tout ça, ont été des résistances à la compréhension de ce qui était en cours, résistances qui se sont appuyées les unes sur les autres pour justement ne pas comprendre. Alors, ce dont je vais vous parler, je vais résumer les choses, c'est de vous présenter un papier que j'ai fait à la demande de collègues québécois, enfin de l'Université d'Ottawa, qui donc ont rédigé en juin une première version d'un manifeste pour une université démocratique. Ils m'ont demandé de venir. J'étais au Canada à ce moment-là, je n'ai pas fait prier, pour travailler avec eux, justement, sur un projet qui est tout à fait parallèle avec le vôtre. Eux, au départ, avaient conçu ce manifeste dans le cadre québécois, dans le cadre canadien, mais surtout québécois. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez le genre de problème qu'il peut y avoir là-bas. Bon. Mais je leur ai dit, au fond, on connaît tous, enfin je connais des gens, des Espagnols, des Européens, des Italiens, des Brésiliens, etc. Enfin, pourquoi ne pas faire un manifeste international pour une université démocratique, du fait même que quand on voyage partout, on voit partout à l'œuvre les mêmes logiques, du fait même qu'on a un ordre mondial qui s'est mis en place, et que que j'avais démonté, avec tous les relais, etc. Parce que je pense que les gouvernements, les ministères décrits, etc., c'est évidemment une pièce du dispositif mondial. Et donc, voilà, le projet, c'est d'abord de rédiger ou travailler sur ce manifeste, c'est ensuite de l'accompagner d'un certain nombre de textes, et ils ont prévu de faire un livre. Et en troisième lieu, de faire circuler ce manifeste à l'échelle internationale pour recueillir des signatures et des soutiens partout pour montrer que la résistance est mondiale. Et donc, l'idée d'internationalisation, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce que vous avez dit, l'idée d'internationalisation, elle est là maintenant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de hasard comme il y a l'autre, c'est qu'il y a plusieurs initiatives, me semble-t-il, en ce moment, qui convergent autour de cette idée qu'il faut une fédération, il faut fédérer les luttes universitaires et il faut essayer de construire quelque chose comme une internationale, ce que vous appelez l'internationale, effectivement, de tous les savoirs. Moi, je pense qu'il faut des indications assez précises sur le type d'université que l'on veut. C'est ça qui me semble important, parce que dans la façon dont vous avez parlé, dénonciation, dynamiser les luttes, etc., c'est bien, mais le troisième point, démontrer que les alternatives existent, ça me paraît peut-être le plus intéressant. Mais il faut partir d'un diagnostic, alors je vais résumer un petit peu, il m'avait demandé de résumer un petit peu mes travaux sur la question, donc je l'ai fait, mais moi je vais résumer le résumé. Donc, je vais vous répondre. C'est la question ne s'adressait pas à moi, mais sur la question que vous avez posée. Comment se fait-il que nous ayons une expansion scolaire et universitaire sans précédent dans l'histoire de l'humanité, bien entendu? Et comment se fait-il que nous ayons en même temps un monde cynique, comme vous l'avez, aussi cynique que vous l'avez dit? Mais moi je crois que ça va. Les choses ont convergé. Je ne dis pas que l'un est cause de l'autre, mais je pense que ce que nous avons, nous n'avons pas affaire à une destruction de l'université. Là, je suis en total désaccord avec Granger sur ce point. Nous n'avons pas affaire à une destruction de l'université, mais à l'imposition d'une nouvelle université, d'un nouveau modèle d'université qui détruit l'ancien. Là, c'est vrai, qui détruit l'ancien modèle, mais nous avons affaire à une nouvelle université, et c'est ça qu'il faut penser. Il faut penser des choses positivement, si je puis dire. Positivement, c'est-à-dire penser que nous sommes entrés dans un nouvel âge de l'université, pas seulement de l'université, un nouvel âge de l'université, de l'école en général, et de la recherche. En d'autres termes, un nouvel âge de la connaissance. Et c'est cela, et je pense que si j'en suis arrivé là, c'est précisément du fait de mes travaux antérieurs sur l'utilitarisme de Bentham, et sur le fait qu'il y a une vraie pensée de l'éducation, de la connaissance, et une vraie pensée de l'éducation, qui s'est préparée depuis longtemps. Je pense que nous sommes à un régime de connaissance, ou un régime de vérité, pour reprendre le terme de Foucault, un régime de vérité qui s'impose à l'université comme partout ailleurs, et qui est un régime de vérité qui fait que la connaissance est validée aujourd'hui par le marché. C'est la sanction par le marché qui fixe ce qui est vrai, ce qui est valide en tout cas, dans des institutions de savoir. Et le marché est devenu la finalité exclusive de ce qu'on enseigne. C'est la valeur économique qui devient la finalité de la recherche autour du non-fétiche de l'innovation, puisque c'est ça qui importe. Et du côté de l'apprentissage, la validation se fait par l'employabilité. Nous avons là les deux versants, d'une nouvelle conception de la connaissance, innovation d'un côté et employabilité de l'autre. Avec toutes les contradictions, évidemment, que ça peut entraîner, puisque précisément, comment faire fonctionner un système de connaissances, recherche d'un côté et éducation de l'autre, qui fonctionnerait à la véridiction, pour prendre notre terme de vue, une véridiction néolibérale, qui est la véridiction par le marché, pour et par le marché. Voilà comment fonctionne ou devrait fonctionner ce système de connaissances néolibérales. Ce qui caractérise donc ce nouvel âge de la connaissance, c'est précisément cet ensemble de métamorphoses, cette métamorphose qui prend la forme d'une multiplication d'outils de marché et qui donne lieu, je résume pour mes travaux, je ne vais pas détailler, donne lieu à ce qu'on appelle l'université entreprise, l'université, la corporate university, ou que certains appellent capitalisme académique, ou université capitaliste. Bon, avec toute une série de questions autour de cela, parce que les partisans aux États-Unis en particulier du capitalisme académique ont tendance, eux, à mettre l'accent sur le fait, de façon très marxiste, que cette nouvelle université serait une université comme lieu d'accumulation du capital, lieu d'accumulation, je dirais lieu direct d'accumulation du capital, ce qui ne me semble pas, à mon avis, le plus opératoire, parce que ça c'est une façon trop mécanique de penser la transformation de l'université. Je pense que la connaissance, elle est aujourd'hui, elle prend la forme valeur, elle est soumise à la forme valeur, mais c'est assez compliqué à comprendre dans les termes de Marx, justement, parce que cette forme valeur, justement, ne donne pas nécessairement lieu à une marchandisation classique, c'est-à-dire un échange d'espèces, etc., pour un profit. C'est plus compliqué que cela. C'est le fait que dans le néolibéralisme, alors ça renvoie à toute une réflexion sur le néolibéralisme, qui voit le néolibéralisme, ce qu'on a fait avec Dardot, qui voit le néolibéralisme non pas comme une généralisation de la marchandisation, comme on pourrait le croire, mais comme, de façon un peu différente, comme l'extension d'une logique normative qui gagne l'ensemble des sociétés et l'ensemble des institutions et qui met en place une rationalité capitaliste. Mais qui n'est pas là, pour le coup, ce qui ne se traduit pas par une marchandisation, ça se traduit par la mise en concurrence de toutes les institutions pour faire comme si, donc dans un régime de fiction, comme si toutes les institutions étaient des entreprises et devaient fonctionner comme des entreprises, avec tout cet outillage du nouveau management public, etc., et comme si Donc toute institution fonctionnant à la concurrence devait se transformer en entreprise. Voilà. Donc, deux volets du néolibéralisme s'appliquent assez bien au champ universitaire, puisqu'on voit à la fois cette logique de mise en concurrence générale au niveau mondial, mais aussi au niveau national, peut-être dans certains espaces à l'échelon local. Donc une mise en concurrence générale, alors le local on le voit parfaitement bien pour ce qui est des écoles primaires, collèges et lycées, mais dans des régions comme Paris, on le voit aussi pour les universitaires, et Parcoursup doit être aussi analysé sous l'angle justement de cette mise en concurrence intensifiée, si je puis dire, par ce genre de dispositif. Bon, alors, pour aller vite, je pense que les travaux que j'ai menés ont conduit à réfléchir en termes de nouveaux modèles historiques. Donc là, ce n'est pas du tout enthousiasmant ce que je dis, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de politiques éducatives, comme je le croyais pendant longtemps. Je pensais qu'il ne s'agissait que de politiques éducatives qui pouvaient être réversibles, et puis on a bien vu que ce soit des gouvernements de gauche, de droite, etc., et puis par des mécanismes de pression et une logique qui est, disons, systémique, d'une certaine façon, on avait affaire à autre chose qu'à des politiques éducatives ou de recherche qui pouvaient changer en fonction des alternances politiques. On avait véritablement affaire à un système mondial, ce qu'on avait appelé le nouvel ordre, un système mondial, et donc que nous avons affaire à un nouveau modèle qu'il faut penser comme tel. Donc, dans la série de l'université médiévale, de l'université humboldtienne, de l'université de masse américaine à la Clark Kerr, diversité, etc., on avait affaire à quelque chose qu'il fallait penser comme modèle d'université néolibérale. Donc avec toute une série de caractéristiques qui touchent tous les niveaux de l'université, donc la reconstruction de l'espace, j'aime utiliser cette expression, j'aime beaucoup, de l'espace comme marché, de l'espace universitaire et scientifique comme un marché à tous les niveaux, hein. Avec le primat absolu de la concurrence et l'obligation de la performance qui va avec. Bon, c'est ce que Christine Musselin a fini par découvrir. Elle a fini par découvrir ça, après des années de travail. Elle a fini par découvrir, après nous avoir critiqué et traité de tous les noms, elle fait partie de ceux qui nous ont attaqué plus vivement, elle a fini par découvrir que maintenant il y avait ce qu'elle appelle la grande course des universités. Bravo. Bravo, il fallait attendre 20 ans pour le dire. Bon. Les établissements, donc, ce sont désormais des entreprises académiques, c'est le point complémentaire, l'aspect complémentaire. Hein. Le troisième point, c'est le fait que toute la connaissance est soumise à la forme de la valeur, par les artefacts de la quantification propre à techniques d'évaluation, benchmarking, indexation, bibliométrie, et j'en passe, c'est les meilleurs. Hein. Donc, avec le fait qu'il faut penser la transformation de l'espace universitaire avec la transformation de l'espace des publications, par exemple, scientifiques, hein, parce que ça me paraît important d'avoir une vision extrêmement large, y compris de ce qui se passe du côté de la production et de la diffusion de la connaissance, voir comment s'articule justement marché des publications et marché des universitaires. Hein. Bon, sur la question de la quantification et de l'évaluation souvent abordée. Comme mesure des chercheurs, il paraît assez évident que la question se pose de la forme-valeur des chercheurs eux-mêmes, c'est-à-dire le fait que ce n'est pas seulement la connaissance qui prend une forme-valeur, mais ce sont aussi les producteurs de connaissances qui sont pris là-dedans et qui se voient dotés d'un prix, de forme de prix à travers la valeur de leurs travaux. Il faut réfléchir à ces méthodes d'évaluation, de quantification, etc., etc. Je pense en termes de prix fictif, il y a là une logique qui consiste en l'absence d'un marché réel. On a affaire à un ensemble de techniques qui visent à doter donc l'espace, si je puis dire, le marché des outils nécessaires. Un marché, ça se construit, comme on sait, et ça a besoin de toute une série d'outils, de fixation de prix. Donc il ne suffit pas de dénoncer les dévaluations comme un système d'oppression, de cause de stress et de souffrance au travail. C'est vrai, mais je pense qu'il faut le concevoir comme production de valeur, production de forme-valeur, plus exactement, et production donc à travers la production de prix. Le pilotage, justement, comme on dit, le pilotage du système universitaire se fait à ce moment-là à partir justement de ces valeurs qui sont construites, qui sont donc l'équivalent des prix monétaires sur le marché des biens. Ça n'empêche pas ce que vous avez bien dit, que ceci est un des aspects du marché, mais que la bureaucratie, justement, se prolifère autour de cette construction des marchés pour, justement, gérer, gouverner l'ensemble des dispositifs de marché. Pilotage, derrière la notion de pilotage, il y a la notion évidemment de contrôle et de pression, et de pression à la performance, etc. Bon, c'est bien connu. Tout ceci conduit à une inégalisation, un renforcement des inégalités à l'intérieur du champ universitaire. Ça a été mentionné avec la création d'universités d'excellence ou d'universités leader à vocation internationale et puis donc des unités d'enseignement ou de recherche de second ou troisième rang. Mais en même temps, on a affaire à des phénomènes qui touchent directement le personnel enseignant, les producteurs, puisqu'on a à la fois la division des corps académiques, une division profonde entre la couche de gestionnaires que vous avez décrit et puis les autres qui exercent ou essayent d'exercer leur métier de chercheur ou d'enseignant. Un groupe dirigeant donc qui assume des fonctions de direction de l'entreprise universitaire, ce qui est assez logique. Je crois qu'il n'y a pas à s'en choquer qu'ils aient des primes comme ils en ont, ni qu'ils adoptent un langage, la novlangue, comme ils l'emploient. C'est évidemment tout à fait normal au sens où nous avons évidemment affaire à un système universitaire nouveau. Je dis entre parenthèses, nous ne devons jamais prendre les éléments isolés les uns des autres. Il s'agit évidemment d'une construction d'un ensemble qui fait que chaque élément, le langage que les gens parlent, les salaires qu'ils touchent, etc., les carrières qu'ils recherchent, le pouvoir qu'ils acquièrent, etc., est totalement logique. Ce qui est logique aussi, c'est la dévalorisation du métier lui-même, des métiers de recherche et des métiers d'enseignement, qui est tout à fait parallèle, symétrique au renforcement du pouvoir des équipes managériales. Dévalorisation est matérielle et symbolique. Bon, puisque ce sont les experts, puisqu'on a affaire à un développement de ce qu'on peut vraiment appeler un pouvoir expertocratique, donc justement à la lisière d'administratif et de la recherche, etc., avec la transformation de toute une série d'enseignants-chercheurs en petits entrepreneurs. Je crois qu'on en connaît tous, on les a tous vus fonctionner, donc avec des phénomènes de polarisation qui est un phénomène important parce que quand on va réfléchir aux résistances, j'y viens, et aux alternatives, il faut surtout abandonner l'idée que nous avons affaire à un corps uni, solidaire, partageant tous les mêmes convictions, attaché au même ethos académique de la tradition. Je pense que ça, c'est une vision pour ceux qui l'auraient encore, qui doivent abandonner. Et puis, il y aurait encore bon, toute une série d'autres choses à évoquer. Bon, je pense en particulier au fait que la perte d'autonomie de l'université ne se montre d'une certaine façon jamais mieux que dans la transformation de la hiérarchie de la valeur des objets au sein d'une discipline, selon la variation des valeurs économiques, sociales ou politiques accordées aux objets en dehors de l'université. Hein, parce que là aussi, c'est un drôle de marché qui reste très déterminé par justement des techniques de pouvoir, des techniques de pouvoir d'État, en particulier dans le mode de financement. À un moment, la prolifération de recherches en sociologie sur la délinquance, et puis ensuite sur la radicalisation, etc., etc. Bon, avec évidemment des valeurs professionnelles très différentes accordées aux chercheurs, en fonction des objets qu'ils travaillent. Hein. Bon. Et puis, vous l'avez évoqué, la précarisation, etc. Bon, tout ça est bien connu. Hein. Pour le coup, quand on parle de souffrance au travail, je voulais juste dire, ajouter quelque chose. Ce qui est assez important à comprendre, c'est que le travail académique s'est aligné sur ce temps du marché universitaire et en même temps répondre aux obligations bureaucratiques qui sont liées à cette construction du marché. Tous les enseignants se plaignent de la compression du temps qui est imposée par la logique du marché et par le travail invisible de l'administration. Avec des conséquences terribles quant à la surexploitation, l'auto-exploitation d'une certaine façon des capacités mentales et psychiques des enseignants chercheurs, ce qui ne facilite pas non plus la réflexion sur autre chose. Ce n'est pas la surexploitation qui amène simplement à penser une alternative. Combien de collègues nous disent qu'ils ont le nez dans le guidon? Ça veut dire qu'ils n'ont plus d'horizon. Ils n'ont absolument plus d'horizon, ni d'ailleurs pour leur recherche personnelle, et ni encore moins pour l'horizon d'une alternative possible. Hein. En tout cas, il est évident que obliger les enseignants à devenir des compétiteurs en permanence est quelque chose d'éreintant, de vidant, d'épuisant. À quoi s'ajoutent évidemment toutes les difficultés, les contradictions objectives, du fait des modes de financement, etc. Bon. Alors j'en viens après cette description. Rapide, simplement en indiquant que je crois que ce qu'il nous faut faire, c'est vraiment construire l'idée, si je puis dire, l'idéal type de l'université néolibérale. C'est-à-dire ça part avec faire converger tous les travaux qui sont partiels, si je puis dire, sectoriels, et faire converger dans la construction de ce modèle et le penser comme modèle. La pensée comme modèle. Bon. Alors, question que je crois qu'on doit tous se poser, c'est comment, compte tenu de cette accumulation de souffrance, compte tenu du fait que les analyses critiques se sont quand même répandues, on peut dire on ne manque pas de livres aujourd'hui, d'articles critiques, sur ce qui s'est passé. Donc, je dirais même Mucelin en est venu à ça. Bon, donc, finalement, le constat est établi, ceux qui nous traitaient de paranoïaques et de complotistes se taisent maintenant devant les certaines évidences. Hein. Bon. Pourquoi si peu de résistance du milieu? Alors, je propose cinq éléments. D'une part, la difficulté qu'il y a à comprendre au niveau international que nous avions affaire à l'imposition d'une même logique, des mêmes normes, etc. La difficulté à penser en termes mondiaux. Voilà. Du fait des disparités institutionnelle, de part de l'histoire, les histoires différentes des systèmes scolaires et universitaires, je crois, et puis aussi au fait que la construction de ce nouveau modèle s'est faite à des rythmes et selon des modalités très variables, selon les pays. Et ça, c'est assez étonnant, parce que c'est quand même un milieu, je ne l'avais pas dit, mais c'est quand même le milieu universitaire, celui de la recherche, un des milieux professionnels les plus internationalisés. Comment se fait-il qu'un milieu où les gens circulent le plus, par des échanges multiples, ne se soit pas rendu compte plus tôt qu'ils avaient affaire justement à un nouvel ordre éducatif et nous est opposé, enfin, m'est opposé depuis 20 ans que je leur parle des objections en disant non, nous c'est pas pour nous. Combien de fois, je vous jure, on m'en a pu me dire devant des parterres d'universitaires, non, c'est pas nous, on n'est pas comme ça. Bon, donc là, il y a quand même une question que les sociologues de la mondialisation, je pense, doivent se poser, et ceux de l'éducation et de l'université doivent se poser, c'est quand même important. En tout cas, je l'ai constaté. Deuxième difficulté de la résistance, ça tient à ce qui a déjà été dit, aux divisions internes du champ universitaire. Mais des divisions qui je pense, sont multiples. Il y a de multiples fronts, si je puis dire. Il y a la question des disciplines, droit, gestion, économie, disons, je simplifie, mais aussi une partie des sciences dites dures, qui adhèrent beaucoup plus et beaucoup plus vite au modèle. Il y a une circulation d'idées, des modèles de pensée, des schémas, etc., les chaînes de la pratique, comme dirait l'autre, etc., qui font qu'il y a une porosité, et puis l'autre groupe de matières, beaucoup plus tourné vers plutôt les humanités traditionnelles ou les sciences sociales, qui résistent plus, et encore, même dans ces domaines-là, les divisions existent, et elles existent justement du fait de l'attraction du modèle managérial d'un certain nombre de collègues, par ambition personnelle, par fatigue, par habitus, par je ne sais quoi, qui donc sont plutôt tentés d'aller de ce côté-là que de rester donc dans les fonctions traditionnelles, dans le métier, quoi, si je puis dire. La troisième raison, elle tient au fait que le modèle néolibéral ne s'impose pas par adhésion idéologique, mais par ce que j'appellerais une sorte de chantage au principe de réalité. La formule de ce principe de réalité, c'est « nous n'avons pas le choix ». Je crois que c'est ce que les managers de l'université nous disent et ce qui est reçu. C'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est ce qui est reçu. C'est l'appel à la résignation de chacun, à l'adaptation, à la logique d'adaptation. Barbara Stiegler va sortir très prochainement un livre qui s'appellera chez Gallimard, un livre sur le néolibéralisme, justement, qui s'appelle « Il faut s'adapter ». Et le sous-titre, c'est « Un nouveau principe politique ». Et je pense que là, la tapée, elle touche juste parce que c'est précisément ce qu'on entend. Et ça fonctionne comme un principe politique dans toutes les institutions, dans tous les services publics, mais aussi dans toutes les entreprises. Et c'est le jeu de la concurrence lui-même qui conduit précisément au fait que chacun se sent pris, se sent obligé de fonctionner dans ce cadre. Nous avons tous vu, moi à Nanterre je suis bien placé, nous avons tous vu des formidables philosophes, de formidables sociologues de gauche et d'extrême gauche. Je veux dire qu'on lit tout Marx en allemand. Bon. Mais le jour, de la visite d'évaluation, porte-cravate. Ce qui m'a étonné. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et donc, c'est cette inscription dans le jeu de la concurrence et dans le jeu de l'évaluation qui, sans qu'il y ait adhésion idéologique, encore moins adhésion partisane, fait que le système se fonctionne, se reproduit même et se renforce. C'est le consentement à ce qui fait office de réalité qui est, je pense, une des plus grandes difficultés de la résistance. La quatrième raison, c'est, je pense, la conséquence de la précédente. C'est évidemment avec la suppression des financements pérennes, avec l'austérité imposée aux laboratoires, etc. C'est la prévalence des critères gestionnaires sur toute autre finalité intellectuelle et pédagogique. Hein. C'est la façon aussi, par des considérations objectives, des vraies considérations objectives, c'est cette façon qu'a de s'imposer le management, ou plus exactement la violence managériale. Qui est difficile à contrer, puisque justement, ça conduit à penser qu'on n'est jamais à la hauteur des objectifs ou des moyens. Et la cinquième raison que je voudrais un petit peu développer là, c'est que la résistance a besoin d'un contre-modèle. Il ne suffit pas de produire une analyse critique. À la limite, à un certain moment, l'analyse critique a des effets contre-productifs. Elle désespère. Et j'aime bien justement, pour ça, est-ce que je vais être plus optimiste? Mais pendant 25 ans, j'ai développé une analyse critique des évolutions de l'école, des évolutions de l'université et du néolibéralisme en général. Bon. Mais il faut bien quand même qu'on réfléchisse tous au fait que ce type de discours, aussi nécessaire soit-il, en l'absence d'une image d'un futur souhaitable, a des effets démoralisants. Je dirais, contribue à l'assèchement de l'imagination. Alors on peut toujours dire, c'est le néolibéralisme qui a asséché l'imagination. Oui, c'est vrai, mais d'une certaine façon, à un certain moment, la critique, justement, peut y contribuer, sans compter qu'il y a des phénomènes de boucle et que la critique elle-même peut être reprise, etc., et transformée. Bon, on sait ce qu'il est advenu de la sociologie bourdieusienne, la critique de l'école traditionnelle, etc. Enfin, je veux dire, reprise par le management, j'ai vu ça fonctionner dès les années 70-80. Vous aviez des proviseurs qui vous disaient, oui, ça c'est la violence symbolique, arrêtez, vous, professeurs, d'exercer de la violence symbolique sur vos élèves. Bon, il y a eu une intégration de la critique, mais là, je vise autre chose, c'est ces effets-là. Alors, comment penser autrement l'université? Bon, et là, c'est casse-gueule, pourquoi? Parce que, justement, il faut faire fonctionner quelque chose comme l'imagination, évidemment, avec la connaissance du passé. Comment penser une autre université si, justement, celle que l'on critique est par tous les bouts liée au système capitaliste néolibéral? Et même que l'université néolibérale est une pièce essentielle du dispositif néolibéral. Il n'est pas seulement une annexe, mais avec la théorie du capital humain que vous avez évoquée, etc., on voit bien que la connaissance est l'élément clé de la mise en concurrence générale des économies, des sociétés, des institutions, etc. C'est ça qui est le point clé. Hein. C'est que la connaissance, elle n'est pas en elle-même dévaluée, elle est transformée, justement, sous l'aspect de sa valeur économique. Bon. Et elle est encore plus précieuse. La connaissance est encore plus précieuse dans un modèle néolibéral que dans un autre modèle, mais c'est une autre connaissance. comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors comment faire pour penser de façon isolée? Bah, évidemment, c'est impossible, donc il faut avoir une théorie générale de l'alternative. Ou en tout cas, savoir faire comme via Campesina, le lien entre l'alimentation, les types de production, le type de mondialisation, etc. C'est-à-dire relier ce que fait le petit paysan brésilien et l'organisation des échanges agricoles à l'échelle mondiale, etc. C'est ça le point clé. Bourdieu avait dit des choses très, très, très justes sur ce point-là à propos de José Bové. Il faut être capable, comme José Bové, de faire le lien entre ce que les gens ont dans leur assiette et l'organisation économique générale. Bon. Alors, donc, Dardo et moi-même avons développé donc, l'idée selon laquelle les luttes d'aujourd'hui, les grandes mobilisations, les expériences contemporaines permettent de dégager un principe politique, nous avons appelé le principe du commun, qui a double face, si je puis dire, qui est à la fois caractérisé par la recherche de formes démocratiques nouvelles, du mode auto-organisation et auto-gouvernement, du fait justement du discrédit porté sur les formes de représentation et les formes de partidaires ou d'organisation bureaucratique. On le voit avec les Gilets jaunes, c'est un des aspects qui valide d'une certaine façon notre analyse sur cette recherche, mais qui n'est pas une recherche théorique, qui est une recherche pratique. Tous les mouvements, on voit bien que la recherche pratique aujourd'hui, c'est celle de formes d'auto-organisation. La recherche et la mise en place de formes d'organisation. Bon. Deuxième chose, ce qui caractérise l'opposition au néolibéralisme depuis les années 80-90 et partout dans le monde, c'est la remise en cause de la logique propriétaire, l'expansion de la logique propriétaire. Et ce qu'on appelle les communs, ce sont précisément des institutions qui visent à associer les deux versants, les deux faces, à la fois le tout gouvernement et la prévalence des droits d'usage collectifs. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je crois qu'il faut s'avancer, réfléchir à comment l'université peut être un commun, c'est-à-dire cet espace institutionnel qui serait caractérisé par l'autogouvernement d'un côté, selon une démarche très inclusive, j'entends pas seulement les enseignants, hein, mais évidemment tous ceux qui ont affaire avec cette institution, et puis qui ferait justement prédominer la logique des droits collectifs contre la logique d'appropriation des connaissances. Alors dans cette direction-là, celle qui a initié au niveau mondial un programme de recherche sur les communs, qui s'appelle Elinor Ostrom, a elle-même commencé à avancer avant son décès dans cette voie-là en parlant de commun de la connaissance et en étudiant comment fonctionnent justement des bibliothèques, certaines revues ou certaines plateformes, etc. S'est intéressé aux encyclopédies wiki, au développement des logiciels libres, etc. Bon, mais à ma connaissance, jamais personne ne s'est intéressé s'est engagé dans la voie de la réflexion sur qu'est-ce que serait qu'une université pensée comme un commun. Et c'est cela que j'aimerais faire, pas maintenant, parce que j'en suis qu'au début, hein, c'est un programme de travail, mais d'une certaine façon qui ne peut pas être solitaire. Hein. Ça voudrait dire, évidemment, que ce n'est pas un mode d'emploi, ce n'est pas un programme. Il faut considérer l'université comme commun, comme un champ d'expérience. À la fois pédagogique et sociale. Il faudrait considérer l'université comme un lieu d'invention institutionnelle. L'université d'aujourd'hui comme un lieu d'invention institutionnelle. L'université, et pas seulement Vincennes de la Belle Époque, devrait être finalement expérimentale. Il est curieux de penser que l'université, qui est censée avoir été gagné par justement la philosophie de l'expérience, philosophie au cas de l'expérimentation, ne se définissent que rarement comme une institution qui doit mettre en pratique une expérimentation. Et qui est quand même relativement en retard, en tout cas on entend beaucoup moins parler des expérimentations qui se déroulent, ils s'en déroulent, hein, que des expérimentations qui se déroulent dans d'autres niveaux d'enseignement. Alors, évidemment, là, les traits que je vais dégager sont des traits, je dirais, c'est un tableau idéal typique assez grossier, mais dans lequel on pourrait commencer à réfléchir. L'université, pour quelle fin ? Elle a une vocation spécifique, qui est de produire et d'enseigner, transmettre des connaissances, avec des règles établies, respectées par tous, etc. La question de la vérité, évidemment, se pose de façon très directe. Une université du commun, c'est une université, justement, qui remettrait la valeur de la vérité au centre, une vérité qui ne serait jamais que provisoire et qui ne pourrait jamais être validée qu'après remise en question, discussion scientifique par des pairs. Ça, c'est l'héritage. L'héritage qui nous vient de loin, évidemment, bon, je ne reviens pas là-dessus. La fonction sociale de l'université, je reprends cette expression à mes amis québécois, qui parlent volontiers de fonction sociale. Au regard de la fonction, au regard de la société, il faut l'entendre comme ça, pas au sens utilitariste étroit, c'est d'être un lieu actif, producteur, créateur de réflexivité critique. La règle interne qui doit présider à son fonctionnement, mais aussi au recrutement, à la promotion des universitaires, c'est, me semble-t-il, la portée critique de la connaissance, entendant par là la capacité, justement, de remise en cause, de remise en question de ce qui était établi jusque-là. Ce qui était établi dans les savoirs, mais ce qui était établi aussi dans la société. Et l'université, elle doit rassembler des savants, des chercheurs, des étudiants autour donc de ces deux fonctions indissociables de recherche et de formation. C'est le grand acquis de l'université humboldtienne. C'est Humboldt qui invente réellement une université qui doit associer les deux. Alors on pourrait dire que c'est Vico avant qui avait peut-être le premier expliqué ce lien étroit entre la production de connaissances et la transmission, mais c'est Humboldt qui pense institutionnellement. La connaissance, là, est l'unité de but des enseignants comme des étudiants. Ce qui veut dire que l'étudiant doit être associé le plus tôt possible à la dynamique de la recherche, ne serait-ce que par la pratique du questionnement critique. Ce qui implique que la pédagogie soit pensée, ce qu'elle n'est pas à l'université. Aujourd'hui, la pédagogie n'est pas pensée. Il faut penser la pédagogie par la pratique de la co-interrogation, si je puis dire, la co-interrogation critique des savoirs établis. Je suis désolé de dire que j'ai pu observer dans ma carrière des pratiques tout à fait contraire à cette idée d'une interrogation critique. Et il suffit d'être un peu le passager clandestin dans les amphithéâtres pour voir que c'est l'amphithéâtre lui-même, pour tel, est un dispositif anti-critique. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de totalement contraire avec la mission, la vocation. Vocation de l'université. Alors, on doit s'interroger sur ce qu'on peut entendre par professionnalisation des études, car dans une société où le salariat reste majoritaire, et il le sera pendant longtemps en tout cas, et de spécialisation professionnelle, la question c'est de savoir quelle articulation entre professionnalisation et formation universitaire. Le chantier qui est devant nous, c'est de savoir comment la professionnalisation des formations, dès aujourd'hui, peut se nourrir des savoirs académiques et de la réflexivité critique. de telle sorte que les professionnels que forme l'université puissent intégrer dans leur milieu de travail, comme dans leur vie sociale, ce qu'ils ont appris. Et en particulier, comment ils peuvent exercer leur libre jugement de citoyens dans leur milieu de travail. Ça fait très longtemps, je crois que il y a 45 ans, quand j'étais étudiant, on entendait déjà le fait qu'il fallait que l'université s'ouvre au monde du travail. Et je m'étais dit, de temps en temps, mais au fond, c'est le monde du travail qui doit s'ouvrir à l'université. Et je pense que si on a quelque chose à faire, quand vous dites université de tous les savoirs, ou international de tous les savoirs, c'est exactement dans ces termes-là, me semble-t-il, qu'il faut penser en termes d'interpénétration, et cesser de penser, comme on le fait facilement à l'université, que la seule chose que nous devons faire, c'est soit de faire des barrières, soit d'établir des barrières avec le monde extérieur, s'enfermer, bon, voilà, ça c'est un réflexe, défendre l'autonomie, etc. Ou alors, au contraire, de s'adapter à ce qu'on appelle le monde du travail, c'est-à-dire la logique du business, mais qu'il nous faut penser tout à fait autrement dans nos formations professionnelles. J'ai dirigé un master professionnel. C'est exactement dans ces termes-là que nous avons mis en place justement une formation à haute dose de sociologie pour des futurs professionnels. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que la vocation de l'université, son rôle majeur, c'est la préservation et l'extension de l'attitude critique vis-à-vis de tous les pouvoirs, et y compris en son sein, du pouvoir de type managérial, bien entendu, mais de type corporatiste, ce qui doit découler, normalement, de cette éthique partagée, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ordonnée à la valeur de vérité. Donc, tout ça nous amène à la question, évidemment, de la liberté académique. Une liberté académique qui, pour reprendre le titre du bouquin de Derrida, doit être évidemment sans condition. Une liberté académique, une université sans condition, qui est la condition même de la progression de la recherche. Ce qui suppose, point de vue-là, des conditions matérielles et statutaires qui protègent les chercheurs et les enseignants de toute pression, c'est-à-dire, traduisons ça simplement par la résorption du précariat. Alors, pourquoi commun? Il faudrait travailler, me semble-t-il, sur plusieurs axes. Le principe directeur d'une université du commun, ce devrait être la coopération, on pourrait dire la mise en commun. On ne recherche pas seul, on n'apprend pas seul, et sur le plan du travail, justement, sur le plan de la recherche, toutes les discussions, les évaluations doivent être collectives. La pédagogie elle-même devrait être construite autour de cet idéal régulateur de la coopération. Ça veut dire aussi que, dans un autre sens, la connaissance doit être considérée comme un bien commun. Vico, à la fin du XVIIe siècle, a déjà dit que, justement, la connaissance devait être un bien commun universel. Elle devait viser le bien commun des citoyens. Ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une idée des Lumières. En tout cas, elle n'est pas une somme d'unités appropriables, soumises à des enclosures quelconques. Nulle restriction ne doit, justement, en droit et en fait, interdire à quiconque d'accéder au savoir. L'accès au savoir et l'acquisition des connaissances doit être même sans condition, ni de ressources, ni de naissance, ni de diplôme. Acquisition qui ne doit être soumise qu'à la logique propre de progression dans l'ordre des difficultés d'apprentissage des savoirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le financement doit être intégralement supporté par la collectivité. L'université, de ce point de vue-là, est un service public, gouverné démocratiquement et fruit d'une mise en commun de ressources de toute la collectivité. Un financement public, un financement pérenne, qui est seul en mesure de laisser la maîtrise de la recherche aux chercheurs. Une production de connaissances dont l'évaluation donc doit être effectuée exclusivement par les pairs. Une université qui est financée par tous doit être évidemment universelle quant à sa destination sociale. Les deux vont ensemble. On ne peut pas demander un financement public sans que tous puissent y être admis. Une université ouverte à tous les publics, non une institution réservée à une élite privilégiée. Quelle est la difficulté alors? Évidemment, la difficulté consiste dans l'organisation des cours pour ceux qui ne sont pas dotés des atouts culturels qui les prédisposeraient à suivre une formation poussée. Mais cela n'est-il pas déjà le cas, ou cela ne devrait-il pas déjà être le cas quand on voit les différences de niveau des étudiants? Tous les cours devraient être ouverts aux personnes de tous les âges qui seraient désireuses d'apprendre, à tout moment de la carrière professionnelle ou de l'existence, en fonction évidemment des capacités différentes qu'ils auraient à suivre tel ou tel cours. Ce qui remet en question évidemment la structuration actuelle de l'université, ses divisions entre privé et public, ses classes préparatoires, etc. Sur le plan des savoirs, la question se pose de façon, le commun se pose de façon différente. Comment penser l'université du commun si elle est une multiversité à la Clark Kerr? Je vous rappelle que pour Clark Kerr, l'université de masse américaine est spécialisée en branches différentes. Ce n'est jamais que la réunion de départements et de laboratoires qui se partagent des places de parking. Donc aucune unité. On est aux antipodes de l'université humboldtienne qui vise au contraire l'encyclopédie et l'intégration des savoirs sous direction de la philosophie. Alors évidemment, on ne va pas reconstituer le modèle humboldtien du fait de la marche des sciences et de leur spécialisation progressive. Néanmoins, la question se pose de savoir comment remédier à cette logique d'éclatement qui a été renforcée par l'adéquation des formations aux débouchés professionnels. C'est qu'on a en fait deux formes de fragmentation, celle qui est propre à la dynamique de spécialisation des sciences et celle qui est propre à l'adaptation aux formations. Comment réinventer l'idée d'université, donc vous voyez, j'ai des questions, comme une universitas. Universitas Sanctiarum, l'université des sciences, l'universel des sciences. C'est-à-dire en réinstituant des champs disciplinaires, en retravaillant et en réinstituant des champs disciplinaires, et ce que je pourrais appeler des blocs épistémiques larges et ouverts qui permettent des échanges, des coopérations entre chercheurs. Ce qui veut dire aussi des institutions qui fonctionnent justement selon la logique d'ouverture des champs et d'élargissement des blocs épistémiques. Sur le plan institutionnel, nous avons affaire à un grand éclatement fonctionnel entre des bibliothèques, des cafétérias, etc., qui fonctionnent toutes comme des petites entreprises séparées, des lieux séparés, sans coordination. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de lien plus direct de lieux institutionnels qui réunissent les bibliothécaires, les personnels de surveillance, les personnels qui organisent les diplômes, etc. Nous avons affaire donc à un éclatement fonctionnel de l'université sans lieu de rencontre. Dans les conseils de labo, ou dans les conseils centraux, on dirait qu'il peut y avoir des rapports avec le personnel administratif, etc. Et ces contacts sont souvent très, très formels et ne sont pas des contacts qui permettent un travail commun. Comment repenser la collégialité qui dépasserait le seul cadre justement des enseignants-chercheurs? Il faut évidemment faire renaître une vraie collégialité, je dirais instituer une collégialité avec des règles. On sait à quel point cette collégialité est sans cesse pervertie par des stratégies diverses et variées, institutionnelles ou collectives. La question, c'est évidemment de repenser ces règles de la collégialité pour éviter tous les phénomènes de perversion que nous connaissons à peu près tous, mais aussi comment intégrer dans cette collégialité les personnels au-delà des enseignants-chercheurs. Ce qui pose évidemment la question aussi très vite du gouvernement de l'université. Dans une université du commun, comment organiser non seulement une représentation démocratique des différentes catégories, mais comment organiser une participation des enseignants-chercheurs, des étudiants en particulier, qui sont très peu nombreux à voter aujourd'hui. L'abstention est massive et la participation aux affaires collectives est quasi inexistante. Ce qui explique pour une part, me semble-t-il, le mode assez anomique des mobilisations étudiantes que j'ai pu observer ces dernières années. Un commun université du commun ou un commun universitaire, donc, doit s'attacher à la participation de tous au gouvernement de l'institution. Selon des principes, justement, qui sont ceux de l'autogestion, c'est comme on pourrait employer un mot ancien. Mais comment cette autogestion pourrait-elle fonctionner s'il n'y a pas des principes généraux de l'enseignement public, des lois en vigueur respectées? Quel équilibre entre les principes généraux, en particulier les principes d'égalité, et cette autogestion? Bon, voilà quelques-uns des questions. Mais je voudrais terminer en lien avec vous, et j'ai quelques... Comment imaginer une université du commun qui ne serait pas seulement national, mais qui serait mondial. C'est-à-dire que ce que vous avez posé comme question et comme axe me semble extrêmement intéressant. On a parlé tout à l'heure du fait que, justement, c'est un monde assez internationalisé, du côté en tout cas des chercheurs et des enseignants. L'institution d'une mise en commun au niveau international est absolument indispensable pour être à la hauteur de ce qui se passe, c'est-à-dire de la mise en place de cet ordre de la connaissance néolibérale. Parler de la connaissance comme bien commun, mondial, c'est facile. Organiser un commun mondial de la connaissance, c'est plus difficile et réclame plus d'imagination. N'est-il pas temps, comme horizon de l'international que vous voulez construire, n'est-il pas temps de viser quelque chose qui serait une fédération politique mondiale des universités, qui serait, dont la vocation serait d'organiser la coopération, la mise en commun, pas seulement des savoirs, mais également la mise en commun donc, de la production, de l'enseignement, mais aussi de la mise en commun des ressources. Évidemment, ce que vous dites sur le développement de l'université asiatique rend la chose assez piquante, si je puis dire. Mais en tout cas, comment lutter contre la mise en place de l'ordre mondial néolibéral sans se donner une idée d'une nouvelle organisation mondiale de l'enseignement et de la recherche. Une organisation mondiale alternative. C'est ce qui doit, aurait dû être la tâche, j'ai essayé, mais ce qui aurait dû être la tâche de l'altermondialisme depuis la fin des années 90, qui a eu l'altermondialisme qui a réuni beaucoup de chercheurs. Je crois que, si vous voulez, aujourd'hui, on ne peut plus penser l'universitas, pour reprendre le langage juridique du Moyen-Âge, seulement justement dans un cadre local. Et d'ailleurs, justement, si on lit Durkheim et l'évolution pédagogique en France, et beaucoup d'autres écrits d'histoire de l'université, justement, l'université médiévale n'était pas nationale. Elle réunissait des nations, des étudiants de nations différentes. Donc, d'une certaine façon, la libertas scholastica, comme on disait au Moyen-Âge, c'était une liberté, justement, qui s'entendait comme libre circulation des étudiants, au moins à l'échelle européenne. Bon. Voilà quelques traits, si je puis dire, quelques lignes de réflexion. Je conçois bien que il s'agit de repenser entièrement les choses, non pas l'université, non pas comme un établissement. Parce que ce qui se passe, je ne vais pas comprendre la vie, excuse-moi, je pensais en vous entendant, on pense l'université comme organisation, comme établissement. Il y avait un François Toscaïès, qui était un créateur de la psychothérapie institutionnelle, justement, qui disait qu'un hôpital, c'est pas un établissement, c'est une institution. Dans l'établissement, il y a État, d'une certaine façon. Et on pense effectivement établissement, on a raison, d'une certaine façon, de penser comme, justement, une unité étatique. Penser l'université comme institution, c'est justement la pensée, à certains égards, hors État. Donc, une des difficultés, ça serait de penser une université hors État, financée par les fonds publics. Hors État, parce qu'on voit aussi tout ce qu'implique la dépendance de l'université à l'État, son intégration comme une administration. Alors les Québécois, eux, disent l'université c'est une communauté, c'est très anglo-américain, c'est une communauté et c'est pas une administration. Ça c'est leur ligne. Le problème, c'est qu'à redéfinir l'université comme communauté, on renvoie aussi la communauté, en tout cas chez nous, à tout ce que la communauté peut, surtout chez les sociologues, comporter d'holistique, de traditionnaliste, voire d'oppression, hein, d'englobement en tout cas. Hein. D'où l'intérêt de penser en termes de, me semble-t-il, de commun, ce qui laisse ouvert à, je dirais, à la création collective des règles et à la démocratie. Car dans l'institution, il ne faut pas entendre seulement l'institué. C'est un grand travers de beaucoup de sociologues qui, quand on dit institution, pensent institué. C'est la ligne durkheimio-mossienne, d'ailleurs mal comprise. Il vaut mieux penser l'institution sous ces deux aspects, comme articulation d'un institué et d'un instituant. Vous savez, il y a un juriste, Maurice Oriou, qui disait une institution, c'est le gouvernement des vivants par les morts. Et précisément, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas, qu'on est gouverné par des morts dans l'institution. Mais il y a justement une question qu'on doit se poser, c'est la place de l'instituant. Un commun, justement, c'est une institution qui ménage dans l'institué une place pour l'instituant, c'est-à-dire pour le processus créatif et pour l'expérimentation. Et de cela, on ne fait rien à l'université, ou tout au moins, on ne théorise jamais, on ne théorise pas l'université comme processus créateur de règles nouvelles, de normes nouvelles, de façons de faire nouvelles, etc. On ne théorise pas et on ne pratique pas systématiquement, justement, l'université comme champ d'expérimentation. Et on n'arrivera à rien si on ne pense pas à l'université comme devant être soumise à une révolution institutionnelle. Il n'y a eu que quelques moments où ça s'est fait. Et mai 68 a été... À un moment, il y avait un livre collectif sur 68 il y a 10 ans, là. J'ai fait un truc sur le 68 et l'école et l'université. Et ça a été un moment extraordinaire parce que là, justement, l'institution s'est révélée. C'est-à-dire, on a pu voir la place des morts dans l'université, si je puis dire. On a pu voir ce qui ne se voyait pas. Et d'une certaine façon, ce qu'il y avait à faire. Donc, l'université du commun, c'est un processus, d'une certaine façon, d'expérimentation qui peut commencer maintenant. Même si l'on sait que c'est... Je vais dire l'université du monde qui doit être réinstituée. Mais bon, le sous-titre de notre livre commun, c'était, avec Dardo, c'était « Essai sur la révolution au XXIe siècle ». On s'est donné un peu de temps. Voilà.